3. Le dialogue simulé. Activité 32. 1. Combien coûte ce magazine? 2. Est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? 3. Est-ce que vous avez des pulls bleus? 4. Est-ce que je peux payer en espèces? 5. Quelle est la taille de cette jupe ?